Je n'ai pas le profil pour faire du rap, combien de fois je l'ai entendu. Faire du lourd, ça m'handicap, c'est peut-être pour ça que j'ai rien vendu. Mon parcours, un chemin de croix, je connais pas la route du succès. J'ai beau balancer de la peuvra, je passerai pas tant que j'ai pas sucé. Incompris par la plupart, je suis énervé, c'est maladif. Comment leur dire que je mérite ma part et qu'ici pas, c'est moi la diff. L'industrie nous met la carotte, ça quand trouvera pour le remède. Je me passe leur album dans les chiottes pour justifier que ça pue la merde. J'ai trop de questions en suspens, certaines ont de quoi m'indigner. Ils n'ont pas le quart de mon talent, pourquoi c'est eux qui sont signés? Traite-moi de jaloux si tu veux, au fond de moi, je sais que j'ai raison. Crois-moi, c'est chum et pas qu'un peu, comme l'accent de ma région. Je ressens le besoin de m'évader, faire de nouveaux horizons. Je pars au loin, je vais me balader, hors du rap et de ses trahisons. Du négatif à chaque mesure, voilà ce que mon stylo flex. Mon smic, mec, les fins de moi sont dures, je compte que sur ma calculette. Sacrifié, je dois rester fort, de façon, je sais qu'ils ont tort. Tant pis, fuck le disque d'or, je ferai du sale jusqu'à ma mort. Sacrifié, donc je rappe par corps, y'en a marre de ces oxymores. Beaucoup devraient être mis dehors, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le mort. Sacrifié, je dois rester fort, de façon, je sais qu'ils ont tort. Tant pis, fuck le disque d'or, je ferai du sale jusqu'à ma mort. Sacrifié, donc je rappe par corps, y'en a marre de ces oxymores. Beaucoup devraient être mis dehors, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le mort. Posté en haut de ma solitude, je contemple ma bérésina. J'ai eu les couilles, pas l'attitude, pour voir mon assassinat. Peu séduisant, soi-disant, c'est ce que disent les médisants. Mais le millésime a pris du temps pour faire l'album, j'ai mis 10 ans. Qu'on valide leur inaptitude, vraiment c'est ça qui me faut en rôle. Marine me laisse des certitudes qui fait qu'à chaque fin de phrase je les conne. Ramenez-les moi sur une instru, je vais bousiller leurs vocodeurs. Ça va saigner comme des monstrues, ils seront à vie sur répondeur. Zéro personne ne m'a fait de fleurs, c'est pour ça que je pue la défaite. J'ai navigué au-delà de mes pleurs, survécu à plusieurs tempêtes. Vulgaire est mon vocabulaire, mais comprends que ça m'exaspère. Marre de leur musique patibulaire, car faire du bon son s'aspère. J'ai pas le respect que je mérite, je me sens victime d'une grosse bavure. Me demande plus qu'est-ce qui m'irrite entre leurs phrases et leurs tournures. En désaccord avec mes proches qui veulent des hits, pas des classiques. Bien sûr que je veux me remplir les poches, mais sans tâche et mon lexique. Sacrifié, je dois rester fort, de façon, je sais qu'ils ont tort. Tant pis, fuck le disque d'or, je ferai du sale jusqu'à ma mort. Sacrifié, donc je rappe par corps, y'en a marre de ces oxymores. Beaucoup devraient être mis dehors, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le mort. Sacrifié, je dois rester fort, de façon, je sais qu'ils ont tort. Tant pis, fuck le disque d'or, je ferai du sale jusqu'à ma mort. Sacrifié, donc je rappe par corps, y'en a marre de ces oxymores. Beaucoup devraient être mis dehors, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le mort. Je suis à l'ancienne, la vérité, pourtant, je suis qu'un genou. Punchliner certifié, boycotté par Laurent Bounou. J'ai connu l'époque des cassettes, bien avant leur chasse audio. Maintenant, y'a que des bras cassés qui vont passer en radio. Ils ont sacrifié les rappeurs, j'ai tout vu, je suis pas là depuis hier. Comment séduire des auditeurs qui n'ont pas l'âge de ma carrière? De la sueur et des larmes animent les verbes de chaque sortie. Y'a que des suceurs sans état d'âme qui aujourd'hui peuvent s'en sortir. Difficile est le contexte et j'ai beau piocher dans la rousse, c'est pas la richesse de mes textes qui m'est droit à me la couler douce. Un goût amer dans mes strophes, chaque ligne est un sacrifice. La tête baissée, mais l'honneur sauf comme Zidane en 2006. Dis-toi bien qu'ici tout se paye, les sons, les promos, les vues. Trop propre, j'en ai saigné ma paye, j'ai pas pris l'argent de la rue. Le rap m'a rendu borderline sans pour autant que je me prostitue. Je partirai sur une punchline vu que je fais que des pros qui tuent. Sacrifié, je dois rester fort, de façon, je sais qu'ils ont tort. Tant pis, fuck le disque d'or, je ferai du sale jusqu'à ma mort. Sacrifié, donc je rappe par corps, y'en a marre de ces oxymores. Beaucoup devraient être mis dehors, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le mort. Sacrifié, je dois rester fort, de façon, je sais qu'ils ont tort. Tant pis, fuck le disque d'or, je ferai du sale jusqu'à ma mort. Sacrifié, donc je rappe par corps, y'en a marre de ces oxymores. Beaucoup devraient être mis dehors, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le mort. Sacrifié, atomique, millésime.